Antena 1 Açores e RDP Internacional. A atualidade está na internet em noticias.rtp.pt. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Mes amis, c'était tout en partage, mes amours. faisait très bien l'amour. Voilà. Mais en mer, elle était ceux de notre âge où l'argent c'est dommage et peur de nos jours. Oh. Pour être fier, je suis fier entre nous. Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a un mais. Et oh. Je donnerai ce que j'ai pour retrouver, je l'admets. Mes amis, mes amours, mes envers, mes relations, ah, relations, sont oh, vraiment sont haut placées, très haut placées, très haut et très grand, influent, très peu de nom, très peu de nom, des gens bien traités. Ils sont sérieux, trop sérieux, mais près d'eux, j'ai toujours le regret. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance, c'est vrai. Mes amours avaient le corps brûlant. Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense, avaient peu d'importance et c'était le bon temps. C'est vrai, hein. Les canulars, les pétards, les folies, les orgies, du bac, le cognac, les refrains, et tout ce qui fait un sujet.

Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à tous, il est 13h30, passé de quelques minutes. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour tout simplement le premier dimanche du mois de déjà février. Et oui, nous sommes déjà deuxième mois du mois de l'année. Ça passe très très vite, mais la musique est toujours là. J'espère que vous avez passé une très bonne matinée, qu'on va toujours ici, tout simplement, de continuer avec la musique, tout simplement, ensemble. Et voici donc l'accordéon qu'on a pu débuter avec la valse. Et on va continuer encore avec la musique de valse. On aura le tango, le country, mais d'autres musiques. Mais voici la valse. Voilà donc après la valse mexicaine, voici donc l'accordéon castagnette et puis juste après un tour avec la polka. arc-en-ciel. Voilà donc, je vous mène du côté encore un autre morceau de valse avec la valse savoyarde. Et puis juste après, on ira faire un tour du côté d'Alsace. We'll be right back.

c'est le printemps. On l'appelle le brin d'amour, elle est belle comme le jour, et s'en va du bonheur plein les yeux. Car elle aime un beau gars qui lui a mis tout bas. Nous tâchons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement un baiser, un serment. Puis un soir au faubourg, il compte y peu toujours brin d'amour. Elle sourit tous les jours et l'on voit du bonheur dans leurs yeux. Car elle aime le beau gars qui gaiement lui prouve que l'on est heureux quand on est deux. Je n'ai rien inventé, ça peut vous arriver. C'est facile comme bonjour, il suffit de trouver un brin d'amour. Voici tout simplement un morceau de Vans avec le Carillon d'Alsace. Et puis juste après, on va faire un petit tour de la Musette avec Champagne Musette. Tête fière, âme claire, comme ils ont dû lutter. face au quatre marronniers, parmi les jeux d'enfants. J'irai à mon tour écouter le clocher redire doucement le ding-dong. Il faut savoir toujours conserver l'espoir et bien remplir sa vie tandis que le passe. Et puis s'il m'est permis, j'entrerai au paradis au son de mon joli carillon d'Alsace. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc de la Java. Et puis juste après, on écoutera la tarentelle avec Daniel Pouillard. Thank you. voici donc de la salsa tout simplement, c'est Eric. Et puis juste après Eric, on écoutera du Paso Noble. Thank you.

ça va. Java et puis juste après la montagne avec la valse. Thank you.

tempête. Car en Espagne, on aime le paso. titre La Java, et puis voici La Marche. Et puis juste après La Marche des sapeurs. Sans tarder, sauve les pauvres gens

sous le ciel de Paris et puis juste après la fiesta. serait tout simplement un gamin de Paris. Voici donc du cha-cha-cha. Et juste après, elle nous coûtera la Vienne, tout simplement, la valse de Vienne. Thank you. avec Yvette Turner, le titre Marche du coucou. Voici donc un petit tour du côté de l'Espagne. Bientôt se termine l'émission, donc aussi se termine. Voilà donc, voici le Foxtrot. Voilà donc, on va terminer l'émission. On se retrouve tout simplement dimanche prochain, ainsi que aussi on se retrouve aussi mardi à partir de 13h30. Voilà donc, on se retrouve prochainement. Donc, je vais te passer bonne fin d'après-midi. Et puis donc, ben, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. todos ontem. Carlos Santos, boa tarde. Vamos lá então recordar os resultados, então anunciá-los aos nossos ouvintes, se for boa caso tarde, disso. Paulo, 19ª jornada, segunda da segunda volta, e disseste bem, jornada onde se defrontaram os quatro primeiros. Farense 2, Estrela da Amadora 2, Moreirense 1, Académico de Viseu 0, União Desportiva Olivarense 2, Vila Franquense 2, Nacional 3, Torriense 1, Futebol Clube do Porto B 1, Bessade 2, e já esta manhã Penafiel 1, Mafra 0. Comando ao Moreirense, 46 pontos, 11 pontos de vantagem para o segundo classificado, que é o Farense, na 35 pontos, e 12 para o terceiro, que é o Estrela da Amadora, que tem 34 pontos. No quarto lugar, o Académico de